الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، chers auditeurs, nous continuons ce soir la lecture de hadith concernant la croyance et le suivi mentionné par l'éminent Cheikh Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali حفظه الله تعالى dans son livre intitulé Mudhakkiratul Hadith al-Nabawi fi al-Aqidah wal-Ittiba'. Nous allons voir aujourd'hui le 14e hadith dans lequel il est question des œuvres les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc dit An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. D'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, ce noble compagnon dont nous avons déjà parlé lors de l'étude du 5e hadith. Il dit سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل. J'ai interrogé le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et je lui ai demandé quelles sont les œuvres les plus aimées par Allah عز وجل. C'est-à-dire quelles sont les œuvres du corps, les œuvres apparentes les plus aimées par Allah سبحانه وتعالى et les plus méritoires. قال الصلاة على وقتها. Il répondit la prière en son temps. Certains ont expliqué cela en disant la prière au début de son temps et d'autres ont dit la prière en son temps légiféré. قلت ثم أي. Je lui ai dit et puis quoi? Quelle est l'œuvre la plus aimée après cela? قال بر الوالدين. Il dit la bonté envers les parents, le père et la mère. Le fait de leur obéir, de s'acquitter de leurs droits et de faire preuve de bienfaisance envers eux de toute manière possible. قلت ثم أي. Ibn Mas'ud continue et dit puis après quoi? قال الجهاد في سبيل الله. Il dit la lutte sur le sentier d'Allah, c'est-à-dire le fait de sacrifier sa personne et son argent pour appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et lutter pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus élevée. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc on a vu que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu était un des nobles compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était parmi eux un lecteur et un savant. Dans différents hadiths, il nous rapporte les questions qu'il a adressées au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, des questions nous démontrant sa science et sa compréhension profonde de la religion. Ici, il a interrogé sur les œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, il rapporte qu'il a interrogé également le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet des plus graves des péchés. Donc de la même manière qu'il cherchait à connaître ce qui était aimé par Allah subhanahu wa ta'ala parmi les œuvres, afin de pouvoir les mettre en pratique. Il cherchait également à savoir quelles sont les œuvres détestées par Allah subhanahu wa ta'ala, afin de pouvoir s'en écarter. Et c'est ainsi qu'il convient d'agir pour le croyant, de s'instruire au sujet de sa religion, d'apprendre le bien afin de le mettre en pratique, et d'apprendre ce qu'est le mal afin de pouvoir s'en écarter. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné trois œuvres immenses de notre noble religion faisant partie des œuvres les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première qu'il a mentionnée est la prière en son temps. La prière en elle-même, elle est d'une importance immense dans notre religion. C'est le deuxième pilier de l'islam. C'est la chose la plus importante après les deux attestations de foi. C'est la première des adorations qui a été légiférée. Et celle-ci a été ordonnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans intermédiaire entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la révélation lui était apportée habituellement par Jibril alayhi salam. Mais la prière a été légiférée la nuit de l'ascension, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait voyager de nuit son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa. Puis ensuite, il l'a élevé aux cieux. Et c'est au-dessus des cieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé, l'a honoré et lui a ordonné les 5 prières quotidiennes. Et ceci te démontre l'importance de cette adoration, cette prière qui est le lien entre le serviteur et son Seigneur, cette prière qui fait la différence entre le musulman et le mécréant. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui la délaisse a certes mécru. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne une chose faisant partie des choses les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est que cette prière soit accomplie en son temps. Car Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit ces 5 prières et il a donné pour chacune d'elles un temps déterminé. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. En vérité, la prière demeure pour les croyants une obligation en des temps déterminés. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement faire la prière qui t'incombe, mais cette prière, tu dois impérativement l'accomplir en son temps déterminé. Et ceci fait partie des conditions de la prière. Et de la même manière qu'il n'est pas permis pour le musulman de faire la prière avant l'entrée de son temps, il ne lui est pas permis non plus de faire sortir volontairement une prière de son temps légiféré et de la retarder. Comme nombre de personnes le font aujourd'hui qui négligent leur prière et la retardent pour des affaires viles parmi les affaires mondaines, comme le travail ou autre. Négligeant cette œuvre qui est l'œuvre la plus aimée par Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, au profit de biens vils parmi les biens vils de ce bas monde voit disparaître. Ce n'est ni le salaire que tu gagnes, ni ton employeur, ni les bénéfices de ton commerce, ni tes diplômes qui te sauveront du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Dans ta tombe, tu n'auras avec toi ni diplôme ni salaire, mais tu auras avec toi tes œuvres que tu as fait pour te rapprocher de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et parmi les œuvres les plus immenses, la prière, qui sera une cause de ton salut afin d'être préservé du châtiment. Mais si tu favorises des biens vils parmi les biens de ce bas monde, si tu favorises ton travail, si tu favorises tes études, que tu cours après un diplôme ou un salaire ou je ne sais quoi, au détriment de tes prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonnées et qu'il t'incombe d'accomplir chacune en leur temps déterminé, alors tu t'exposes à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et au châtiment. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc le musulman doit veiller à accomplir chacune de ses prières en son temps. Et on a dit que parmi les explications données à ce hadith, certains ont dit que ce qui est encore plus aimé par Allah est d'accomplir la prière au début de son temps. Ne pas la repousser, mais l'accomplir dès que l'on s'est assuré de l'entrée de son temps. Et ceci est valable de manière générale concernant l'ensemble des prières, qui sont plus méritoires au début de leur temps, à l'exception des prières qu'il est légiféré de retarder, comme la prière de l'Aïcha, que l'on peut retarder jusqu'au premier tiers de la nuit, pour les personnes pour qui il n'y a aucune difficulté en cela. Sinon, la base est que le mieux est d'accomplir la prière au début de son temps. La deuxième action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith est la bonté envers les parents. Le droit de tes parents est sur toi un droit immense. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans de nombreux versets le droit des parents après l'ordre de lui vouer un culte exclusif. Il dit subhanahu wa ta'ala: wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Et soyez bienfaisants vers vos parents. قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dis, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui donnez aucun associé. Et soyez bienfaisants vers les parents. Il dit aussi dans un autre verset: وَقَضَى رَبُّكُمْ ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et soyez bienfaisants vers les parents. Et on trouve également dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nombreux hadiths nous démontrant la grandeur du droit des parents sur leurs enfants. Parmi eux, ce hadith que nous sommes en train de lire et d'expliquer. Quelles sont les œuvres les plus aimées par Allah? La prière en son temps, la bonté envers les parents. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons radiyallahu anhum, « Ne vais-je pas vous informer au sujet des plus graves des grands péchés ?» Ils ont dit « Bien sûr que si, au messager d'Allah. » Il dit alors « Le shirk, l'association à Allah, et la malfaisance envers les parents. » Les plus graves des grands péchés. Le shirk, l'association à Allah, et la malfaisance envers les parents. Dans un autre hadith, un de ses compagnons se rend à lui et lui dit « Qui parmi les gens est plus en droit de ma bonne compagnie ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Ta mère. » Il dit « Puis qui ?» Il lui dit « Ta mère. » « Puis qui ?» « Ta mère. » « Puis qui ?» « Ton père. » Ce sont eux les plus en droit de ta bonne compagnie. Ils sont plus en droit de ta compagnie que tes amis autres. Donc le musulman ne doit pas négliger les droits de ses parents. Il doit leur donner leur juste valeur, s'acquitter de ses devoirs envers eux, même si ses parents sont mécréants. Ils ne sont pas privés de leurs droits pour cela. Mais ils conservent leurs droits, même s'ils t'ordonnent le shirk et les péchés. Tu ne leur obéis pas, mais tu restes bienfaisant envers eux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et s'ils essayent de te forcer, de te contraindre à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, me donner des associés dans l'adoration, alors ne leur obéis pas. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala? وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et tiens-leur bonne compagnie dans ce bas monde. Tiens-leur bonne compagnie dans ce bas monde. Malgré qu'ils t'ordonnent le plus grave des péchés qui est le shirk. Tu ne leur obéis pas en cela, mais tu restes de bonne compagnie pour eux. Et tu continues d'être bienfaisant envers eux. Et peut-être que cette bienfaisance sera une cause de leur entrée en islam. Bi'inillahi ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la lutte sur le sentier d'Allah, qui est le summum de l'islam. Cette action d'une grande noblesse par laquelle les musulmans élèvent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait triompher l'islam au-dessus de l'ensemble des religions. Comme cela s'est produit lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons radiyallahu anhum après lui ont sacrifié leurs personnes et leurs biens sur le sentier d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a fait triompher l'islam par eux. Il a donné le dessus à l'islam sur toutes les autres religions. Il les a anoblis, il les a rendus puissants et il a fait d'eux les maîtres de ce bas monde. Et les versets et les hadiths nous démontrant le mérite de la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très nombreux. Et le musulman se doit d'aimer cette adoration. Toutefois, il doit savoir que cette adoration a des règles et ce n'est pas une chose qui a lieu de manière anarchique. Et encore moins de manière innovée, comme le font nombre de personnes parmi les gens de l'innovation et des passions qui se sont égarés à ce sujet, à l'exemple des Khawarij et autres parmi ceux qui ont emprunté leur voie et qui, au nom de la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, se sont mis à tuer injustement des musulmans et des mécréants de non-droit, comme cela a eu lieu à plusieurs reprises ces dernières années, et ces criminels n'ont pas été la cause d'un bien pour l'islam et les musulmans, bien au contraire. Ils n'ont fait que ternir l'image de l'islam, donner une mauvaise image de notre religion en raison de leur égarement, de leurs crimes et de leurs transgressions qui s'opposent à notre noble religion. Et ceci ne signifie pas pour autant que la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas dans notre religion. Elle existe, mais elle est encadrée par des règles bien précises qui sont exposées par nos savants dans les livres de jurisprudence. Mais malheureusement aujourd'hui, en raison de la confusion qui règne à ce sujet, la parole a été retirée aux gens de la vérité, aux gens du juste milieu, les gens de la sunna, de sorte à ce qu'ils ne puissent plus s'exprimer à ce sujet, de crainte que leurs paroles soient mal interprétées et qu'on les accuse injustement de ce dont ils sont innocents. Et en réalité, cette confusion qui règne est une des principales causes de l'augmentation des déviances à ce sujet et de la multiplication des crimes commis par de jeunes ignorants qui pensent agir en concordance avec notre religion, mais qui en réalité en enfreignent les règles car ils n'ont pas eu l'occasion d'apprendre qu'est-ce que la vraie lutte sur le sentier d'Allah. Car ceci ne peut leur être expliqué, ceci ne peut leur être enseigné, au risque d'être catalogué et que les propos de la personne soient mal interprétés. Ce qui fait que ces jeunes n'ont plus où se tourner pour apprendre qu'est-ce que la lutte sur le sentier d'Allah. Ils finissent donc à se retrouver sur des sites de personnes déviantes et égarées qui leur font croire que commettre des meurtres et de tuer des civils innocents, de non-droit, est une manière de lutter sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ceci n'est en rien une lutte sur le sentier d'Allah, mais c'est une lutte sur le sentier du diable, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de guider ceux qui se sont égarés parmi les musulmans. On tire donc de ce hadith de nombreux bénéfices. Parmi eux, premièrement, on voit comment les compagnons radiyallahu anhum veillaient à l'apprentissage de la science, au questionnement au sujet de la science et à la recherche des actes méritoires. Ils cherchaient à s'instruire au sujet de leur religion. Ils savaient qu'il est nécessaire pour le musulman de connaître ce qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de pouvoir le mettre en pratique et de connaître ce qui l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de pouvoir s'en écarter. Donc, ils recherchaient la science auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'interrogeant et lui adressant des questions. Et ceci est le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith. Le mérite d'interroger au sujet de la religion, et plus particulièrement concernant les choses importantes, celles dont tu as besoin pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient aux musulmans de poser des questions sur sa religion. Il est surprenant qu'un musulman passe des jours, des semaines, des mois, voire même des années, sans ne se poser aucune question religieuse. Certaines personnes ne s'interrogent jamais. Ils se reposent sur leurs faibles acquis et ne cherchent pas à s'élever en religion, à augmenter leurs connaissances pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une erreur. Tu dois sans cesse chercher à augmenter tes connaissances, sans cesse chercher à connaître quels sont les actes, quelles sont les paroles à accomplir pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans cesse chercher à savoir comment accomplir tes adorations, comment accomplir ta prière, comment te purifier, comment verser ta zakat et ainsi de suite. Nul parmi nous n'a cerné la science. Et nous avons tous besoin d'augmenter nos connaissances. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de l'invoquer par cette invocation immense. Rabbi zidni ilma. Oh mon Seigneur, accrois mes connaissances. Et l'objectif n'est pas seulement d'accroître ses connaissances afin de savoir ces choses-là et de ne plus les ignorer. Mais l'objectif derrière cela est de pouvoir mettre en pratique cette science et se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith et qui est toujours lié au questionnement et à l'apprentissage de la science, c'est le fait que les questions, elles doivent être posées aux gens de science. Les compagnons, radiyallahu anhum, lorsqu'il y avait parmi eux le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils avaient une question, qu'ils s'interrogeaient sur un sujet religieux, ils se rendaient auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le questionnaient. Et après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, lorsqu'on s'interroge au sujet de notre religion, de revenir aux gens du rappel. Fas'alou Ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et interrogez les gens du rappel, interrogez les gens de science si vous ne savez pas. Si tu ignores une chose, ce qui t'incombe est de questionner les gens de science. Ce qui t'incombe, ce n'est pas de faire une recherche sur Google et d'aller sur un blog ou un site ou je ne sais quoi, sans même distinguer entre ce qui est juste et ce qui est faux, et ce qui correspond ou non à ta situation. Mais ce qui t'incombe est de questionner les gens de science, comme le faisaient les compagnons radiyallahu anhum. Le quatrième bénéfice que l'on tire de ce hadith est l'affirmation de l'attribut de l'amour, al-mahabba, qui fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on se doit d'affirmer d'une manière qui sied à sa majesté. On voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interrogé au sujet des actions les plus aimées par Allah. Cela veut dire que son amour pour les actions des serviteurs diffère et n'est pas toujours de même degré. Et plus l'action est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, plus le serviteur se doit de faire des efforts pour y être assidu et chercher à l'accomplir. Et le cinquième bénéfice est lié à celui-ci, et c'est que les œuvres ne sont pas toutes de même degré, c'est-à-dire en termes de mérite. Certaines sont plus ou moins méritoires que d'autres. Et ce qui fait la différence entre ces œuvres est qu'elles diffèrent en fonction de leurs profits, de leurs intérêts et de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces œuvres. Plus c'est une œuvre aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, plus celle-ci te rapprochera d'Allah, plus elle sera méritoire. Et c'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a posé cette question ici, afin de faire prévaloir les œuvres les plus aimées par Allah. Et c'est ainsi qu'il convient d'agir pour le musulman, de toujours faire en priorité ce qui est le plus aimé par Allah. Il se peut parfois que la personne se disperse, cherche à faire le bien, et que ce bien soit présent sous ses yeux. Combien sont ceux à avoir de la négligence concernant leur prière? Combien sont ceux à avoir de la négligence concernant la bonté et la bienfaisance envers les parents? Donc si tu cherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, commence tout d'abord par te corriger concernant ces actions qui font partie des actions les plus aimées par Allah et qui font partie de tes devoirs. C'est une obligation pour toi d'être assidu à chacune de tes prières en son temps. C'est une obligation pour toi de faire preuve de bonté et de bienfaisance envers tes parents. Donc ne cherche pas à te disperser. Commence tout d'abord par corriger tes manquements et veiller à t'acquitter de tes devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis des gens. On a donc terminé avec ce hadith, والحمد لله رب العالمين.